Je suis en ville, dans une rue à sens unique comportant quatre voies. Chaque voie contient une flèche directionnelle qui indique très clairement dans quel sens mène la voie dans laquelle on circule. Je suis bien placé uniquement pour tourner à gauche. Si j'avais voulu continuer tout droit, j'aurais dû me placer dans l'une des voies situées sur ma droite. Et il m'est impossible de m'y insérer maintenant, dans la mesure où des véhicules arrivent derrière. Réponse B et C.